reconstruire. Je n'ai que faire de vous, de vos mépris. Je voudrais refaire ma vie, tout commencer. Je me sens prête et je veux aller de l'avant et tirer un trait sur mon passé. Si vous me pardonnez, je voudrais refaire ma vie, tout commencer. Je me sens prête et je veux aller de l'avant et tirer un trait sur mon passé. Si vous me pardonnez, je me sens mieux et je l'homme dont j'ai rêvé resterait à mes côtés.